Chapitre 10e. Immobile, Korf écouta. Il ne put distinguer aucune parole. Le monotone murmure de la pluie sur l'eau couvrait tous les autres bruits. Il resta ainsi pendant environ 2 minutes à tendre l'oreille. Autour de lui, c'était l'obscurité complète. Il entendait, mêlé au crépitement de la pluie, le léger clapotis de l'eau contre la carène du bateau. Entre les petites vapeurs qui l'entouraient, il distinguait sur le quai de Versailles la ligne lumineuse des réverbères et les clartés des maisons bordant le fleuve. Les voix s'étaient tues. Mais maintenant, Korf percevait de légers chocs. Il sentait le petit bâtiment palpiter en quelque sorte sous lui. Plusieurs hommes devaient se trouver à bord. Ils bougeaient et déplaçaient ainsi, quoique d'une façon très minime, l'assiette du bateau-mouche. Korf eut un frisson. Il était transi. Il contracta ses muscles et résolument partit à la découverte. Étant grimpé sur le pont, il atteignit à la base de la petite passerelle contenant la roue du gouvernail à l'avant de la cheminée de la machine. Toujours personne. Pas de bruit autre que le crépitement de la pluie qui à présent tombait plus abondamment. Korf contourna la passerelle et s'arrêta net en distinguant à quelques pas de lui une faible lueur. Il se remit en marche avec des précautions de peau rouge sur le sentier de la guerre, et arriva devant l'écoutille faisant communiquer le pont avec le petit salon situé à l'arrière de la machine. La porte en était fermée. Korf saisit le bouton de cuivre, le tourna et ouvrit sans difficulté. À tâtons, il descendit dans un étroit escalier et arriva ainsi 7 marches plus bas devant la porte du salon. Elle était fermée. Korf colla son oreille au panneau et perçut ces mots. Le dit, il ne s'agit pas de s'illusionner. Nous sommes plus loin que jamais de la réalisation de l'affaire. Drôle nous a indignement trahis. Il a été châtié. Ne parlons plus de lui. Si, parlons-en. Si Teddy n'était pas en Australie, je croirais que c'est lui qui a tout machiné. Enfin, l'affaire devient dangereuse. Il faut... Brusquement, ce fut le silence, et de nouveau la voix reprit. En tout cas, ce gueux de drôle ne le portera pas en paradis. Cet imbécile croit qu'en empoisonnant Blanquette, qu'en enlevant son cadavre, qu'en enfermant pied-balle devant une malle, il a été malin. Il ne réussira qu'à se faire coffrer, et ce sera bien fait. Tout me fait croire qu'il... Korf écoutait intéressé. Ces révélations constituaient pour lui une douce musique. Il les buvait en quelque sorte. Il sentait sa revanche toute proche. Le réveil fut cruel. 4 poignes vigoureuses soudain le saisirent par les épaules et par la ceinture. Avant d'avoir pu esquisser un mouvement de défense, il fut renversé en arrière, jeté sur le plancher, immobilisé. Un coup de matraque, qu'il reçut sur l'occiput, lui fit perdre connaissance. Une douleur violente derrière l'oreille lui rendit ses sens. Il ouvrit les yeux. Il était assis, les bras le long du torse, les chevilles entravées, sur la banquette circulaire du salon du bateau-mouche. Suspendu au plafond, une lanterne éclairait le compartiment. Face aux prisonniers, il y avait 3 hommes, dont 2 masqués. Le troisième, Piebald, toujours revêtu de son uniforme de receveur. Korf, qui malgré sa triste situation était resté un observateur consciencieux, remarqua que les vitres du salon avaient été badigeonnées avec un enduit opaque pour empêcher que la lumière filtrât à l'extérieur. « Savez-vous ce que vous êtes, monsieur Korf ?» ricana Piebald en se penchant vers le prisonnier. « Vous êtes un imbécile. Vous m'avez bien suivi, je peux le dire. Je crois bien que je vous aurais mené dans la lune, si j'avais voulu. Ce que je voulais, c'était me débarrasser de vous. Vous êtes admirablement tombé dans le piège. Regardez à vos pieds. Il y a 4 barres de fonte, des barreaux de la grille de la chaudière. Ils vont servir de gueuse pour vous envoyer enquêter chez les poissons du fond de la Seine. Seulement auparavant, vous allez être assez aimable pour répondre à quelques petites questions. Si vous refusiez, je vous ferais subir une torture de mon invention. Vous voyez cette fiole? Elle est remplie de fourmis rouges qui auraient au fait de vous dévorer les yeux. Nous avons du temps devant nous jusqu'à demain matin, et vous pouvez être certain que vous passerez des moments plutôt durs avant d'aller au fond de la Seine. Tout d'abord, vous allez m'expliquer comment vous avez eu l'idée de vous rendre à Enghien. Ensuite, comment vous avez su que j'étais dans la malle du gigantesque hôtel? Et enfin, quel est le récit que vous a fait l'individu qui dit être Joey Blanquette? Vous avez bien compris? Je ne vous demanderai rien d'autre. Parlez, vous avez 5 minutes pour rassembler vos esprits. Après, les fourmis. Je compte. Ah, un des deux personnages masqués venait de se dresser brusquement. De deux directs appliqués en pleine face, il étendit à ses pieds l'autre individu masqué et pied-balle de lui-même. Puis, empoignant les deux bandits évanouis, il les déposa sur le divan, les fouilla en un tournement, et finalement les chargea sur son épaule et sortit du salon. « Là, ça y est, » dit-il une minute plus tard. « Non, nos deux bons hommes sont dans le bachot, et je vous prie de croire qu'ils ne vont pas moisir ici. Mais qui êtes-vous ? » balbutia Korf, qui se sentait devenir fou. « Ça, c'est une autre question, excellent Korf, et je suppose que peu vous importe le nom de votre sauveur, pourvu que vous soyez sauvé. Dites-vous que je suis l'homme qui veut s'emparer des diamants d'Autodrôle. Dites-vous, si vous voulez, que je suis Autodrôle, ou William Grant, ou 3X, Triple X. Je vous ai sauvé parce que vous êtes mon allié, vous comprenez? Vous ne me devez aucune reconnaissance, rien. D'ailleurs, vous m'en devriez, que ce serait la même chose. La reconnaissance, je n'en ai jamais rencontré. Cela, et pourtant j'ai fait du chemin. Mais il est vain de parler de soi. Voici quelques renseignements intéressants. L'homme qui était avec Piebald, c'est son beau-père, Argulian, que vous connaissez. Méfiez-vous-en, c'est le plus dangereux. Et surtout, ne vous croyez pas à un as, monsieur Korf. Vous n'en êtes pas un. Un conseil. Méfiez-vous de Joey Blanquette. Il est plus fort que vous. Lui aussi recherche Autodrôle et les perles fines. Mais il suffit. Je vous en ai assez dit, et vous m'avez l'air d'avoir froid. Je vais vous délier. Nous nous reverrons certainement. Nous nous sommes déjà vus, d'ailleurs. » Et l'énigmatique individu vivement coupa les liens qui retenaient le policier. « Vous vous sentez la force de revenir à terre à la nage ? » demanda-t-il. « Oui, » fit brièvement Korf, que 1000 sentiments agitaient. « Alors, ne vous gênez pas. Vous n'avez rien à craindre. Nos hommes sont loin. Moi, je me débrouillerai. À bientôt, monsieur Korf. Souvenez-vous de Triple X. » Et avant que le policier ahuri, presque hagard, eût pu esquisser un mouvement ou prononcer une parole, le mystérieux personnage sortit du salon et disparut. Korf, bien qu'il sentît tout le péril de sa position, resta pendant quelques secondes immobile comme une statue. Il se secoua enfin. Il se sentait moulu, glacé, transi, et pire, désespéré. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la police, il doutait de lui. « Vous êtes un imbécile, » avait affirmé Piebald. « Vous n'êtes pas un as, » venait de lui dire l'inconnu. Et Korf se demandait s'il n'avait pas raison. Ses dents claquaient de froid et de détresse. Il serra les mâchoires et les poings. « Oh, je les aurai tous ou j'y resterai, » gronda-t-il. Les blessures d'amour-propre sont plus cruelles. Korf l'éprouva. Il était à la fois humilié et furieux, au point qu'il ne se sentait aucune reconnaissance pour son sauveteur. « Tous !» répéta-t-il. « Et on verra si je ne suis pas un as. Ah, les canailles !» Il frissonna violemment. La pensée lui vint qu'il allait être obligé de se remettre à l'eau pour regagner le quai. Il songea à appeler. Il repoussa cette idée. C'eût été faire connaître sa mésaventure. Se montrer en caleçon, lui, Jérôme Korf, inspecteur de première classe. Il remonta sur le pont du bateau mouche. La pluie tombait toujours, mais plus fine. Pas un bruit, pas un mouvement, personne autour de lui. Du regard, il explora la Seine. Rien, pas une seule embarcation. Sur sa droite, il distingua les feux rouges du pont de Grenelle. Il eut bien donné la moitié de ses appointements du mois pour y être déjà. Mais quoi, il fallait y aller. Il y alla. Ayant gagné l'avant du bateau-mouche, il se laissa glisser dans le fleuve, les pieds les premiers, et tira sa coupe vers la berge. L'eau lui parut moins froide qu'il ne l'avait cru. Ses forces, à mesure qu'il nageait, lui revinrent. Encore quelques brasses et ce serait le quai. Il accéléra ses mouvements et atteignit une des grosses boucles de fer scellées au ras de l'eau dans la maçonnerie. Non sans peine, il escalada le rebord du quai, se mit debout et regarda autour de lui. Personne. S'étant secoué, il se dirigea vers la passerelle reliant le ponton à la berge et sous laquelle il avait laissé ses vêtements. Il n'en était plus qu'à 2 mètres lorsqu'une ombre surgit devant lui. La faible clarté des réverbères du quai lui permit de distinguer une silhouette humaine qui le menaçait d'un Browning brandi au bout de son bras tendu. « Haut les mains !» intima l'inconnu avec un léger accent britannique. « Où je tire ?»« Joe Blanquette !» exclama presque malgré lui le malheureux Korff. « Yes, oui, ne bougez pas, je vais. « Je suis Monsieur Korff, Jérôme Korff, inspecteur de la sûreté !» s'écria le policier. « Mr. Korff? Oh, c'est vous? Marchez en arrière jusqu'au bec de gaz que je vous vois, si c'est bien vous !» ordonna l'anglais. « Que le diable vous emporte! Vous me reconnaissez bien pourtant !»« Je vous reconnaissais sans vous reconnaître. Marchez en arrière, marchez !» Korff, qui se sentait devenir enragé, dut obéir. Trébuchant sur les pavés inégaux, boitillant, il recula à petits pas, guidé par l'implacable Joey Blanquette, qui, à mesure qu'il marchait, murmurait « À droite, comme ça, tout droit, un peu à gauche, stop !» Korff s'arrêta, mais trop tard pour éviter de heurter son talon contre la base du réverbère. Il poussa une sourde exclamation de douleur. « Retournez-vous, commanda l'anglais, en continuant à le menacer de son pistolet automatique. Korff obéit. « Ah, c'était bien vous, Mr. Korff. Je vous présente toutes mes excuses. Mais vous comprenez, avec ce misérable autodrôle et les autres, je suis obligé de prendre toutes les précautions. « Je vous aurais cru plus physionomiste, Monsieur Blanquette, » grommela l'inspecteur de la sûreté en maîtrisant à grand-peine sa fureur. « Et maintenant que vous m'avez bien vu, vous me permettrez peut-être de prendre mes vêtements qui sont sous la passerelle? « Sous la passerelle? Oui, venez avec moi si vous voulez. » Et Korff s'élança vers la passerelle suivi de l'anglais. Un cri de rage lui échappa. Ses habits avaient disparu. Sur les mains et sur les genoux, pataugeant dans la boue, il chercha en vain. Après plusieurs minutes d'investigation vaine, il dut se convaincre de la piteuse réalité. « Eh bien ?» questionna Joey Blanquette, qui avait allumé une pipe de bois à tuyau droit et court. « On m'a volé mes habits, voilà !» expliqua Korff d'une voix que la rage faisait trembler encore plus que le froid.